Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, ne crie.